Au cours de votre vie, que ce soit proche ou lointain, vous avez vécu un moment heureux durant les fêtes de fin d'année. Venez le partager dans un épisode du podcast « Quelques grammes de bonheur » pour une série spéciale « Spéciale fête de fin d'année » en prenant un rendez-vous téléphonique sur le lien en barre d'infos de cette vidéo. Je vous attends avec impatience. À tout de suite.